D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. sais pas, j'ai pensé à quelque chose. Je ne vais pas penser à un morceau. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life. Say satisfied. I don't need you. God. Dieu le sait, je suis amoureux. C'est étrange, mais c'est vrai. Je comprends pas comment tu m'aimes, mais je dois en être sûr. En franchissant la porte, je veux me libérer. Mais la vie continue, je ne peux pas m'habituer à vivre sans toi, sans toi à mes côtés. Je ne veux pas vivre seul. Oh Dieu sait. Alors bébé, tu vois, je dois me libérer. Je veux me libérer. Je veux. I don't want to break free. Allez, une dernière fois, j'aimerais que tu chantes avec moi, Red Fox. I want to break free. I want to break free. I want to break free. I want to break free. I want to break free. Je voudrais remercier Grise qui m'a inspiré avec son morceau et ça m'a fait rappeler Queen. Yeah, oh. I plug in my keyboard. Thank you. Don't try. Don't try me a river. a try. I try. Sing. One, two, three, four. I feel alive and the world I'll turn inside. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now, don't stop me now. I'm shooting stars leaping from the sky, like a tiger defying below some gravity. I'm a racing car passing by like letting go divine. I'm gonna go, go, there no stopping. Stop. I'm leaving now. stop me. Oh, you'd stop me. Innocence is gone, what was right is wrong. Innocence is gone, and what was right is wrong. Innocence is gone, and what was right is wrong. But innocence is gone, what was right is wrong.